Salut, je viens de fermer le resto là. Ben non, je préférerais bosser. Almost even, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is all there, all the land, the trees, yoga down the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me on. Place I belong, West Virginia, mountain my mind, take me home. Country road. not just a cigarette. C'est Java qui fait des conneries. C'est quasiment les mêmes accords. Attends, faut que je fasse quelque chose parce que moi j'ai l'ordinateur qui bug à fond. Putain. Est-ce que tu peux... Attends. Si c'est du 32, on verra. Ça doit être du 32, je crois. Hein. T'es Dylan, ça tourne en boucle. Là. Et là, est-ce que ça va mieux? C'est mais tout le monde est décalé. J'essaye de me mettre sur la mesure 1, je me cale sur le métronome. Hein. Thank you. qu'elle est là ou non. Bon, il y a un peu trop de monde là.